C'est décidé, j'arrête. Par Lucien Méronin. J'étais venu dans cet hôpital de province pour des examens, ceux que l'on réclame à partir d'un certain âge, histoire de traquer le cancer de la prostate, et que l'on subit avec appréhension car on ne voudrait surtout pas le trouver, ce salopard de cancer. Je partageais ma chambre avec un vieil homme pour qui le mal en question n'était que broutille, petit bobo sans importance. Il était passé par là, lui. Et d'autres maladies dont il vaut mieux ne pas parler. Un vieux briscard, toujours en lutte, mais cependant bien usé. Comme il dormait beaucoup, pas question de mettre la télé en marche. Encore moins d'écouter de la musique techno. Inutile de vouloir allumer une clope, de s'envoyer en l'air avec une infirmière, de raconter une blague à Roland Quatre-Yeux. Mon plus fidèle visiteur, dont les rires tonitruants feraient crouler une forteresse. On l'appelle Quatre-Yeux à cause de ses grosses lunettes de myope. Je faisais toujours très attention à ne pas tirer la chasse d'eau après 20 heures, à rôter discrètement derrière la main, à péter sous les draps, même à ne pas penser trop fort, car cela s'entend parfois. Roland Quatre-Yeux dit toujours que j'ai des pensées bruyantes. Quand il ne dormait pas, le vieil homme usé de partout, y compris des oreilles, mettait la télé à fond, rôtait de bon cœur, pétait fort et mauvais, tirait la chasse d'eau sur le coup des 3 heures du matin, alors que je commençais juste à m'endormir. Je ne pense pas qu'il se soit envoyé en l'air avec une infirmière, mais va savoir. Quand on a une prostate toute neuve, il recevait beaucoup de visites parce que dans nos campagnes, les vieux font énormément de petits-enfants, avec des joues rouges et des mains calleuses. D'abord, ils disent « Bonjour Pépé, comment te sens-tu aujourd'hui ?» Et sans écouter la réponse de Pépé, ils se racontent entre eux des histoires de maïs qui n'a pas eu assez de pluie et de blé monté trop vite en herbe. Tout à coup, la chambre est envahie d'odeurs de foin, de lisier, de lait ribaud. Puis retentissent des meuglements, des bruits de moissonneuses. Les murs tremblent, les lits sursautent. Pépé pète un bon coup et dit que tant qu'on pète, c'est qu'on est encore en vie. Alors les petits-enfants se marrent, sacré Pépé. Il nous enterrera tous. Puis ils reprennent la moisson là où Pépé l'avait interrompu. Les enfants du Pépé, eux, sont plus calmes. Ils ont du respect. Cela se voit tout de suite à la manière dont il baisse la voix pour lui parler, se tord les mains tout penaud. Et il n'emmène pas large, surtout les garçons, car elles savent bien, eux, que leur tour arrive à grands pas. Tout va tellement plus vite à notre époque. Mémé vient tous les jours. Elle ne parle pas beaucoup. Alors le vieil homme en profite pour piquer un petit roupillon. Et c'est un train qui entre en gare à toute vapeur que même la vieille en est gênée. Bizarrement, il se réveille quand elle s'en va. Il a juste le temps de lui demander des nouvelles de Fernand. Le Fernand du bourg ? Non, le Fernand de la Josette. Et il paraît que ce salopard de Fernand de la Josette s'est saoulé au baptême du petit dernier de Thérèse Blanchard. Ah bon ? Oui, mais j'ai plus le temps de te raconter. Elle reviendra demain. Pépé aura oublié le Fernand de la Josette. Le seul moyen que j'avais trouvé pour ne point déranger le vieil homme, c'était la fuite. Chaque fois qu'il m'était possible de le faire, de jour comme de nuit, je quittais la chambre afin de me lancer dans les couloirs de l'hôpital en quête de solitude. Les hôpitaux regorgent de couloirs tous munis d'ascenseurs. Cela facilite les évasions. Bon, la journée, difficile d'échapper à la foule. Entre le personnel, les malades en fugue et les visiteurs, il n'y a plus guère que les microbes à savoir encore où dénicher un coin peinard. Et les malades en fugue se reconnaissent entre eux. Ce sont les seuls qui se promènent en pyjama bleu pâle. Dès qu'ils aperçoivent un confrère, ils se précipitent sur lui, se collent à lui, ne lâchent plus d'une pantoufle et lui racontent par le menu comment ils ont gagné la bataille des hémorroïdes. Ils s'inquiètent de la gravité de son cas, certains pour se rassurer, d'autres afin de surenchérir. Le personnel vous regarde d'un œil soupçonneux. Quant aux visiteurs, ils veulent tous savoir où se trouve la chambre 28. De guerre lasse, on se réfugie à la cafétéria, où l'on tombe immanquablement sur les petits-enfants du vieil homme venu finir la moisson. Mais la nuit. Ah, comme on se sent bien la nuit, dans le bâtiment désert d'un hôpital. Quelle sérénité, quelle paix. J'ai beaucoup hanté les nuits de cet hôpital. À partir de 22h30, je m'installais dans la salle commune de télévision, où je pouvais suivre à mon aise, bien calé dans un fauteuil, la clope au bec, les émissions culturelles que d'ordinaire personne ne regarde parce que trop tardives. Les rares infirmières que vous croisez sont gentilles et prévenantes. Elles vous proposent de la tisane, verveine ou menthe, des somnifères. Vous faites un rapide brin de causette et ainsi, nuit après nuit, vous apprenez plein de choses marrantes sur Ginette, la grosse du service de rhumatologie, une chaude de l'arrière-train. Je me suis même laissé dire qu'elle aurait eu l'an passé une aventure avec un interne des urgences. Après la fin des programmes, c'est encore de la télévision. À l'époque, je faisais partie d'un club de lecture qui organisait chaque année, à la rentrée d'octobre, une sorte de prix Goncourt parallèle. Cela nous donnait beaucoup de travail, car nous devions alors éplucher une bonne quinzaine de livres avant le vote final. Mon hospitalisation coïncidant avec l'événement, un collègue du club était venu m'apporter plusieurs volumes. Je profitais donc de la paix nocturne pour me mettre à la lecture. Une nuit, je m'installe dans un couloir inhabité du premier étage et me plonge dans les particules élémentaires, un pavé de 400 pages. L'histoire est intéressante, le couloir silencieux. Rapidement, je pars en voyage aux côtés du héros, quand soudain le bruit d'un ascenseur qui démarre résonne comme un coup de semonce. J'arrête ma voiture, me raidis sur la défensive, prêt à en découvrir avec l'importun. Qui peut bien venir dans ce couloir désert à 2 heures du matin? Je suis inquiet. Il m'arrive à l'esprit un torrent d'images horribles, de crimes perpétrés en ces lieux où règne la miséricorde, de faux infirmiers munis d'énormes seringues pleines de poison, de vraies infirmières adeptes des solutions rapides, des rats de pharmacie. Les hôpitaux ont beaucoup inspiré les cinéastes. Me revient aussi cette histoire authentique d'un jeune homme venu ici même, Ouida, là où je me trouve cette nuit, assassiner son oncle à coups de couteau. Un héritier impatient. Je referme les particules, guette l'ascenseur, la porte s'ouvre, apparaît un monstre. Un monstre, vous dis-je, le mot n'est pas trop fort. Ce que je vois d'abord, c'est une tête énorme, parsemée de touffes blondes, jaunies, des yeux globuleux, un menton mal rasé, noyé dans une masse de chair molle, un goitre de fête foraine. Et ce bruit affreux, échappé de sa poitrine, ce ronflement caverneux, rauque, presque animal, ce ronflement qui approche, grandit, devient vacarme. Je suis cloué sur place, le livre dans la main, je ne quitte pas des yeux la créature, copie conforme d'Elephant Man en pyjama bleu pâle. L'homme vient vers moi, tout près, il me fixe du regard, le bruit a encore augmenté, je sens son haleine fétide, j'ai peur. Mais il n'y aura donc personne dans ce foutu hôpital pour protéger les honnêtes gens des attaques d'un monstre. Ah, comme je voudrais voir accourir la grosse Ginette. Surtout ne pas lui montrer ma peur. Je reprends les particules, fais mine de lire, je sens son regard sur moi, je m'enfonce un peu plus, je voudrais m'évanouir, disparaître, me transformer en point-virgule et qu'une main anonyme tourne la page. Devenir particule. Puis la créature se relève, le bruit diminue, on dirait celui d'un moteur au ralenti. Le pyjama bleu pâle se transforme en masse mouvante au bout du couloir. Maintenant, le couloir est vide. Ma première pensée va au tabac. J'aperçois une tonne de charbon en forme de poumon, des canules, des drains. C'est décidé, j'arrête. J'ouvre les particules. Je veux reprendre ma lecture là où je l'avais laissée. Impossible. Mes mains tremblent, ma vue se brouille. Du fond de ma poitrine encore palpitante s'ouvre un bruit de caverne. Je me lève, bondis dans l'ascenseur, descends au rez-de-chaussée, plus vite, plus vite. Extirpe une gauloise du paquet, me la colle en bouche, l'allume. Et je tire dessus, comme un forcené. Ainsi s'achève, c'est décidé, j'arrête, par Lucien Méronin.